petit bébé grandit dans mon ventre. Et je me demande si je l'admirais l'entour, point de mire et d'amour. Saura-t-il regarder la vie telle qu'elle est, belle et moche, folle et fantoche, magnifique et flamboyante, dans les bras d'une amante. Belle et moche, folle et fantoche, magnifique et flamboyante, dans les bras d'une amante, dans les bras d'une amante. Un petit bébé s'agite dans mon ventre, et je me demande si je le porte et le caresse avec douceur et tendresse. Saura-t-il trouver son chemin, le sien? Bancal et sûr, original et dur, magnifique et flamboyant, dans les bras d'un amant. Bancal et sûr, original et dur, magnifique et flamboyant, dans les bras d'un amant. Dans les bras d'un amant. Magnifique et flamboyante, dans les bras d'une amante, dans les bras.